Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, dans le journal de l'Histoire, l'habit fait le moine, les tenues des hommes politiques traquées par l'Histoire. Qu'est-ce qu'un homme politique bien sapé ? À l'heure où s'ouvre le procès de François Fillon, achevé aux yeux de l'opinion publique dans son ascension lors de la campagne présidentielle de 2007 par l'affaire de ses costumes Berluti, penchons-nous sur les atours appropriés au bon exercice du pouvoir dans l'Histoire. J'ai eu tort, je vois que ça a choqué beaucoup de gens. J'ai fait une erreur de jugement. Et donc ces costumes, je les ai rendus. Vous les avez rendus à celui qui me les a offerts, tout en lui conservant mon affection. C'était une erreur. Vous les aviez portés ? Oui, je les avais portés. Oui, je les avais portés. Oui, je vous dis la vérité. Dans la dernière livraison de la revue historique, Agnès Béranger relate le parcours politique et vestimentaire tragique d'Elagabale, empereur romain resté célèbre dans les mémoires de ses citoyens et de ses chroniqueurs pour sa garde-robe et son goût de l'apparat décalé. Auguste, un de ses prédécesseurs 3 siècles plus tôt, bénéficiait d'une réputation rutilante pour la sobriété de sa mise et ses vêtements qu'il affirmait être confectionnés à domicile par son épouse et ses filles, que l'on peut probablement soupçonner d'avoir bénéficié d'un coup de main de quelques esclaves qui passaient à proximité. Elagabale règne seulement 4 ans, de 218 à 222, un empereur romain de notre ère, épris du dieu solaire dont il porte le nom, qui accède au pouvoir à l'âge de 14 ans. Réputé pour ses tenues excentriques, Elagabale s'assure la réprobation en conservant sa garde-robe une fois au pouvoir, repoussant la toge traditionnelle des édiles romains. C'est Hérodien qui s'efforce de démontrer les piètres qualités de cet empereur adolescent, puisqu'il n'est ni pieux, ni vertueux, ni invincible, et que ses tenues témoignent de son incapacité à exercer le pouvoir. Elagabale porte des vêtements longs, à l'orientale, qui couvrent ses bras et ses jambes, alors que le romain exhibe fièrement ses membres. Ses nippes sont faites de soie, matière trop luxueuse pour être honnête, et affichent un goût bien trop féminin pour la couleur pourpre, et les bijoux jusqu'à ses chaussures incrustées de pierres précieuses. Sans parler des fards et des couleurs qui ornent les yeux et les joues d'Elagabale, c'en est trop et sa chute, ou plutôt son massacre par l'armée, apparaît tout à fait salutaire aux yeux des partisans de la sobriété républicaine à laquelle il n'a jamais voulu se conformer malgré les conseils avisés de sa grand-mère, inquiète du qu'en dira-t-on et qui avait bien raison. Elagabale avait pourtant pris les devants et, par prudence, pour habituer les élus du Sénat à la nouveauté de sa mise exotique, il avait fait envoyer son portrait avant de faire son entrée à Rome, en vain. Agnès Béranger souligne malgré tout qu'en dehors du clinquant de ses tenues, de ses frasques sexuelles, ses innovations religieuses discutables, son goût pour le meurtre et pour la danse en public n'ont rien arrangé à la situation de celui qui resta sourd au code moral de son empire jusqu'à sa chute précoce. Merci Anaïs pour cette visite dans la garde-robe d'Elagabale. Oui, ça donne envie, hein. Allez, pour retrouver le journal de l'Histoire, c'est sur notre site franceculture.fr.